top chrono football. Enfin, nous avons monsieur Henri. Bonjour Henri, encore une fois, notre monsieur football. Bonsoir. Bonsoir Henri. Alors, tu as la mine un petit peu dépaysée. On va dire abattu. Pourquoi? Que se passe-t-il? Donne-nous un petit peu des résultats qui sont en notre faveur. Est-ce que les clubs qui devaient gagner ont gagné? Est-ce que des clubs qui sont en danger ont encore un peu plus accentué vers le bas? Dis-nous tout, quoi. Donc, je suppose que tu veux me parler du Ponte en CFA, donc, qui ce week-end rencontrait Martigues, concurrent direct pour le maintien, mais malheureusement, le Ponte a perdu sur le plus petit des scores 0-1 à domicile. Et là, par contre, ça commence à sentir un petit peu le roussi. Bah, je pense que ça sent le roussi, sachant qu'au prochain match, il rencontre le leader, donc pour moi... La CFA 2 arrive à grand pas. Voilà. Donc maintenant, il faudrait qu'il termine la saison tranquillement en préparant la saison prochaine, en fait. C'est vrai que ce club a été un petit peu balboté par les journaux. Il y a eu le président qui sont partis. Il y en a un qui a emporté le tiroir caisse. Non, je me trompe. Je ne sais plus. Entre le foot et le rugby, c'est mort de plein du côté de Fargue. Alerte rouge. Non, à ce moment, ouais, c'est pas très rigolo, très réjouissant. Cette actualité sportive des hauts clubs qui sont, on va dire, presque aux portes du professionnalisme. Hein. Parce que la CFA, on y est là. Hein. Continuons avec la suite de nos clubs vauclusiens. On passe en DH avec Perne qui recevait hier et victoire de Perne 2-0. Donc Perne est toujours classé 12e avec 38 points. On passe en DH hier en poule A avec Val-d'Urance qui recevait Ascagne, Crau et défaite de Val-d'Urance 2-4. Nos amis de Courtes ont joué. Oui, ils ont joué en DH hier. Ils se déplaçaient sur le terrain de Saint-Zachary et victoire 1-2 de Courtaison. La Valette recevait le Ponté 2, défaite du Ponté 3-1. Alors, je m'arrête juste sur deux secondes sur le parcours de Courtaison en DHR. L'un des présidents que nous devrions recevoir très prochainement dans nos studios me dit on essaie de se battre pour pouvoir monter en DH parce que il semblerait que le niveau est plus facile en DH qu'en DHR, parce qu'en DHR, c'est un petit peu le combat tous les week-ends, mais il me semble qu'en DH, là aussi, non? Oui, mais en général, dans les plus petites divisions, la différence se fait physiquement. Parce qu'il y a beaucoup d'impact physique, et c'est vrai qu'après, la tactique vient après, ou la technique, mais on travaille beaucoup plus côté physique. D'accord, on n'est pas trop technique, on essaie plutôt de battre son adversaire. Sur le côté physique. Sur le côté physique, parce qu'une équipe bien préparée face à une équipe technique, pour moi, gagnera toujours. Ouais, c'est clair. C'est clair. On a le classement un petit peu, nos amis de Courtaison. Courtaison sont actuellement 5e avec 47 points, suivi de très près par le Ponté à 46 points. Tu penses que les propos du président sont je veux dire, justifiés? Ouais, après, ça dépendra des équipes au-dessus. Donc Courtaison aura beau gagner, mais si les équipes au-dessus gagnent également, bah ça sera compliqué. Voilà pour la montée. Peut-être la suite alors, mon cher Henri. La suite, on va passer sur les résultats de la PHA. Donc Perne 2, Montfavet 0-1, Saint-Rémy-Nov 1-3, Tarascon, Courtaison, belle victoire de Courtaison 2 à l'extérieur 0-7, Veden, Carpentras 1-0, Nyons est trié par Mayanne 0-8, Barbantane, US Avignon 0-0, et Lille-sur-la-Sorgue, Boulbon 2-1. Le championnat est toujours mené par Mayanne, suivi par Barbantane et Veden. En passant, PHB, poule A. Barbantane 2, ETO Bune 1-1, Provence, Entraigues 2-3, Molégès, Monteux 1-1, les deux équipes de tête se rencontraient, Saint-Didier contre Cavaillon, et Saint-Didier gagne sur un score de 3-2 et reprend la tête. Maussan, Le Ponté 3, 1-1, Rasto-Jonquière 0-3 et Saint-Jean-Grès Calavon 1-2. Donc Saint-Didier 57 points est le leader, suivi par Cavaillon 56 points et Entraigues qui a 48 points. En passant poule B, où Gadagne rencontrait Carpentras 2, 1-1, Villeneuve-Camarin 1-2, Avignon-CFC-Dentelle 0-0, Orange Égalière 4 à 2, Malocène Château-Renard 0 à 2, FC Lubéan Sorgue 2 à 1 et Violès Velleron 3 à 3. Orange continue sur son sans faute bien sûr et est premier avec 66 points, suivi de Sorgue 55 points et Château-Renard 53 points. Voilà, une chose que je note en PHEB, c'est vrai que ça me tient à cœur, parce que l'Espérance Sorgueuse était un club de foot renommé jadis, il y a quelques années en arrière. Et cette année, il loupe la montée en PHA, dans le championnat le plus élevé en district Renaud-Durance, parce que devant, il y a un ogre, c'est Orange, qui se remet un petit peu, qui renaît un petit peu de ses cendres. Voilà. Et nous allons finir par la DHA féminine où les Montchiliennes rencontraient Rousset. Et le match se termine sur un score de 1 à 1. Et nos amis Montchiliennes qui sont dans ce classement, mon cher Henri? Qui sont quatrième du classement avec 50 points. Et dire qu'il pouvait. Il est toujours pareil. Moi, je suis un petit peu médisant et on dirait que je suis une machine à remonter le temps. Il y a quelques années en arrière, eh bien, cette équipe de. De Monteux se battait pour monter en première division. Ah, ça, je ne peux pas te le confirmer car je n'étais pas de la région. Ouais, parce qu'on avait un problème de budget, je me souviens. On n'était pas aux portes de la première division. Et même, on se posait des questions pour pouvoir accueillir des équipes comme Lyon, ici, à Monteux. Et tout compte fait, ça, malheureusement, ça a trébuché, mais de pas grand-chose. Il faut les infrastructures, je pense, qui vont avec. Tout à fait. On cherchait un entraîneur. J'ai dit, j'ai Henri sous la main. Merci Henri pour ces belles informations. On sera très attentif. Le championnat est encore long pour toutes ces équipes. Oui, il reste encore à peu près 8 matchs pour certaines équipes et moins pour d'autres. Donc. Allez, on va passer à autre chose. Vous allez voir. Top chrono, sport mécanique. Alors sport mécanique, eh bien, on est très fiers ce soir, hein, parce qu'on va passer vraiment à autre chose. On va beaucoup plus vite et on sera très bref ce soir. Bravo Florian Bernardi, qui a fait un super rallye du Touquet, puisque c'était son engagement et son grand retour dans le championnat de France de rallye asphalte. Eh bien, il était bien sûr sur une Renault Clio RS R3, une voiture de plus de 200 chevaux, et un véhicule qui, malheureusement, ne connaissait pas, puisque surtout Florian, on le connaît bien, avec des véhicules moindres, eh bien, il finit 19e, il a cerise sur le gâteau, ce qui est deuxième, bien sûr, de sa catégorie dans ce premier rallye, mais il a battu un personnage emblématique du rallye que tout le monde connaît, Cédric Robert. Florian me disait, quand j'étais plus jeune, il allait voir Cédric Robert, c'était un petit peu son idole, il faisait faire des autographes, et aujourd'hui, il a battu. Écoute, j'ai suivi... Et à la régulière. J'ai suivi tout le week-end sur la page de Facebook de Florian Bernardi, c'est son évolution. Il a régulièrement été devant Cédric Robert sur certaines spéciales. Il a toujours été dans le coup, en tout cas je crois que son plus haut résultat c'est 7e sur une spéciale, mais il s'est toujours battu avec Robert. C'est alors à double titre, d'abord parce que Robert c'est une légende du rallye, c'est un mec qui a roulé en championnat du monde, et aussi Cédric Robert a contribué à développer cette auto pour Renault. Donc il la connaît par cœur, il connaît parfaitement l'utilisation de la Clio. Et le fait de voir Florian Bernardi aller taquiner Robert pendant tout le week-end et terminer devant au général, c'est plutôt une excellente nouvelle. Et ça montre, si besoin était une fois de plus, que Florian a un coup de volant plutôt intéressant. D'ailleurs... Ouais. D'ailleurs, il m'envoie un message à l'instant, Florian. Si je peux le lire, je vais le lire. Mais on va le lire, Florian, parce qu'il nous écoute pas. Il va dire, j'ai fini juste derrière. Oui, mais nous, non, à la non, dernière non, spéciale. Non, non, c'était, voilà, il me confirme qu'il a bien terminé seconde du classement de Renault. Eh bien, on est très fiers, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup d'espoir à ce garçon. Mais moi, je vous donne un rendez-vous, bien sûr, sur Rallye Sport. Pour voir bien sûr les vidéos qui ont été tournées. Et puis si vous n'êtes pas convaincu, vous pouvez aller voir le rallye du Var 2016. Vous verrez, il était avec une R5. Et je peux vous assurer que le coup de volant qu'il a, c'est pas pour dire que ce garçon, il est vraiment doué, mais il fait partie des meilleurs pilotes français si ça continue. Et j'espère que j'aurai raison sur cette notation pour Florian Bernardi. Voilà, je crois Jean-Yves, pour le rallye de Touquet. Top chrono, hockey sur glace. Alors on va parler un petit peu du hockey parce que c'est vrai qu'on continue, il est déjà 19h21. Restons dans le sport glacial, puisqu'en ce moment c'est le printemps, mais là aussi ben, je crois que les Avignonnais vont pas bien, quoi. Hein. Parce que les scores ne sont pas marqués, bien sûr, dans ces championnats de division 2. C'est la survie pour y rester. Ils peuvent y rester encore, hein, attention. Ils peuvent. Mais ils ont déjà perdu à domicile face à Strasbourg. Ouais, ça va être compliqué. Il va falloir maintenant enchaîner une paire de bonnes performances. Et il en faut moins deux, parce que sinon, il n'y aura plus de match. Ouais. Alors, c'est dommage, parce que Avignon avait perdu à l'aller 5-2 sur la patinoire de Strasbourg. Et là, ils viennent de perdre à la maison à Saint-Chamond sur le score de 2. Ouais. Ça les met dans une position un peu inconfortable. J'espère qu'ils vont arriver à sauver leur saison, mais ça me paraît très compliqué. On suivra ça de très près. Top chrono, athlétisme. Allez, on passe de sport à l'autre, on passe avec Bibi Bougon. Alors lui, il travaille, vous le saviez, vous l'avez dit tout à l'heure, pendant que les autres dorment. Non, je plaisante. Il était bien sûr au trail avec Serge Jolin. Je crois qu'il va tout nous dire. Bonsoir, encore une fois, Didier. Bonsoir à tous et à toutes. Oui, c'est vrai que hier, de 7h du matin, j'étais jusqu'à 17h et encore à 17h, les derniers arrivants arrivés. C'est un super trail, une super organisation. Il n'y a rien à dire à Serge Jolin, puisqu'on le connaît quand même depuis pas mal d'années. Hein, ouais, Serge. On connaît le personnage. Hein. Et le personnage par lui-même adore la perfection. Cette année, il avait eu la chance que le temps était, disons, au rendez-vous, hein, puisque souvent, dans la semaine, de la neige, de la pluie verglaçante. Mais là, on avait un peu de vent, mais dans l'ensemble, il y a vraiment c'était le top pour les coureurs. Ce que je vais vous dire, c'est que moi, c'est la première fois où je vois ici dans le Vaucluse une édition. Il y a 3 courses, 2160 participants. Il y a toute une équipe derrière Serge Jolin. Il y a sa famille. Il y a des gens que je connais également qui sont vraiment des fadas de trail. Et tout le monde était au travail déjà depuis la veille. Bonsoir Serge Jolin. Il est au téléphone. Bonsoir Serge. Bonsoir, félicitations. Quand on connaît l'homme, quand on connaît la qualité du personnage, on ne peut que féliciter encore une fois cette réussite qui était au rendez-vous, dont Didier Bougon nous a, on va dire, énuméré tous les grands moments de cette belle course. Allô. Oui. Une belle course qui est due surtout à la qualité du terrain qui est le Ventoux, et puis aussi à la météo qui a été clémente. Oui, cette fois-ci, on n'a pas eu besoin de sortir le chasse-neige ou de refaire le fléchage pratiquement 3 heures avant, parce qu'il avait neigé et que certains endroits ne pouvaient plus être, certains passages n'étaient plus adaptés comme il y a eu jadis quelques années en arrière, hein, Serge. Ça, c'est un peu la spécificité du Ventoux au mois de mars. Hein. On ne sait jamais comment on va être croqué. Et puis nous, il faut qu'on reste mobilisés jusqu'au dernier moment pour offrir aux coureurs le meilleur du parcours et surtout un parcours sécurisé pour que tout le monde puisse rentrer le soir après sa course. Et cette année, ça a été plutôt clément. Bon, c'était venté. Mais moins qu'on le pensait le matin avant le départ. On avait donné les consignes d'ailleurs au briefing pour que les gens soient dans les meilleures conditions au passage au sommet. Et dans la matinée, il a quand même un petit peu calmé, mais bon, il y avait des rafales. Mais c'est le Ventoux, quoi. Donc voilà, il se mérite. Il se mérite, Serge. Là-haut, c'est sûr, c'était des pointes à 120 km/h, mais il faut féliciter toute une équipe de bénévoles qui assure, parce que c'est 2160 courses, et je pense que c'est la première fois que tu atteins ce sommet, non, au niveau capacité d'athlète. Non, c'est la deuxième année où on est à 2000 coureurs. Maintenant, 2000 coureurs, c'est 1000 coureurs hein, sur le grand parcours, sur 46 km. Oui, de toute façon, on ne peut pas prendre plus sur cette course parce que, bon, pour gérer la sécurité, c'est déjà, amplement suffisant. Et puis, pour garder la qualité du parcours aussi, où on utilise énormément de sentiers très étroits pour qu'il y ait une fluidité dans la progression des coureurs. Après, bon oui, c'est un travail de longue haleine, mais c'est un travail surtout, comme je le dis tous les ans, de dernier moment, et il faut vraiment coller au parcours jusqu'au dernier moment. Cette année, il y avait un peu de glace sur la partie nord. Et il y a deux personnes qui ont travaillé pendant deux jours pour tailler des marches dans la glace pour que les coureurs progressent en sécurité. Voilà. Là, justement, une anecdote. C'était fin février, au moment des vacances de février. Moi, je suis allé faire la marche nordique sur le côté nord et je me suis pris une gamelle et j'ai renoncé, tu vois. Mais bon, dans l'ensemble, je t'assure que moi, j'ai vraiment apprécié. J'étais là, je faisais partie de l'équipe pour aussi te passer un coup de main. Mais ce que j'ai apprécié aussi, c'est que dans toutes les courses, les trois courses, hein, du 46 au 26 et au 15e, tu avais des gens de super niveau. Et une ambiance où tout le monde s'est régalé, hein. Que ce soit avec les premiers comme avec les gens, les derniers qui m'ont dit c'est le top. Et ce que j'ai relevé, hein, j'ai relevé beaucoup de choses, c'est que sur le 15 bornes, j'étais surpris par Sylvain Cachard qui tourne en 1h11. C'est un jeune junior. On se dit d'où il vient lui. Bah, lui, d'où il vient, il est de Gourdon, mais il fait ses études à Montpellier. Et le garçon, il fait 10e au championnat d'Europe junior de course de montagne et 18e au championnat du monde de course de montagne. Chapeau le jeune homme, ainsi qu'à sa dauphine, la 6e, qui est Wanner Juliette. Wanner Juliette, qui fait 6e au scratch. Elle vient du Doubs et dans le Doubs, il y avait toute son équipe et son club qui était là. Bon, bah, ensuite, je donnerai les résultats tout à l'heure, mais dans toutes les courses, hein, au 46, pour le 46, tu avais le sélectionneur de l'équipe de France de course de montagne qui était là pour les sélections pour les championnats du monde, hein, qui ont lieu en juin, hein, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Ça a lieu en juin en Italie, donc ce sera mi-juin en Italie. Et l'épreuve du 46 km était une épreuve sélective pour les championnats du monde, pour compléter l'équipe de France. Trois filles ont été donc sélectionnées et deux hommes ont rejoint donc l'équipe de France à l'issue du 46 km hier soir. Alors chez les hommes, ça serait Ludovic Pommeret et Martin Nicolas? Ah non, Nicolas Martin était déjà sélectionné puisqu'il est vice-champion du monde. Sylvain Cour était également sélectionné, mais ça c'est à noter aussi. Ils étaient sélectionnés, mais ils étaient quand même là. Hein, donc d'accord, ok, ouais. C'est Romain Maillard qui a été sélectionné et Ludovic Pommeret qui a fait une fin de course du guerrier. Ouais, ouais. Ça, Ludovic, c'est son habitude. Ouais, costaud, hein, c'est ce temps-là qu'il a gagné aussi l'UTMB cet été avec une superbe course. D'accord. Alors, il était passé 160e à Courmayeur et il vient chercher la victoire dans la partie italienne du Val Ferret et puis dans la partie suisse. Voilà, c'est un guerrier et il est fidèle au Ventoux. Et il a été chercher sa sélection avec la hargne hier. Costaud, ainsi que tu l'avais pronostiqué gagnant aussi, le Suisse Marc Lowenstein. Marc Lowenstein, je dirais que c'est la pointe au-dessus. Hein, tout le monde le disait, hein, même les meilleurs Français, ils savaient qu'ils n'allaient pas faire vraiment de la figuration. Ils ont joué un peu avec eux. Je vois Nicolas, il a mis un petit message tout à l'heure, hein, dit on a joué un peu avec Marc, mais on n'a pas pu jouer très longtemps. Puis, petite anecdote, quand il est sorti au sommet, Christine était là-haut au sommet qui assurait la sécurité. Et il s'est arrêté un moment, il a regardé, il a dit « Mais c'est la mer qu'on voit là-bas » alors qu'il y avait ses concurrents derrière. « Ah, mais c'est superbe ici !» Et il est reparti avec une aisance déconcertante. Voilà, donc ça situe un peu le personnage, quoi. Ouais. Et puis les six premiers en moins de 4 heures, et costaud, il y avait cette sélection, et puis moi j'étais un peu soufflé. Hein. Après, j'ai discuté avec d'autres personnes qui arrivaient, aussi bien le 50e, le 800e, hein, puisque tu n'étais pas loin des 1000 participants, hein. Tu as eu quand même 900 participants, hein, au niveau de l'arrivée, chapeau. Le 26 km aussi, Renaud Gaël, 2h05, Fabien Demure, 2h07, Séguré Adrien, 2h09. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a, il me semble, qu'on a une Montilienne, ouais, qui fait troisième, hein, c'est Julie Jasmin. Sur le 26, c'est ça, oui. Ouais, une Montilienne. Il faudra qu'on l'invite dans nos locaux, puisque une personne qui a déjà participé à ton travail. Hein. Oui, tout à fait. Bon, on va te laisser, Serge, mais en tout cas, félicitations à toi, toute ton équipe. Je sais qu'il y a la famille, mais il y a également des garçons que je connais, Thierry Marco. Il y en a un autre, je vais oublier son nom, qui est très proche de toi, qui est un montagnard. Mohamed Darouani, qui a fait un super travail. C'est eux qui ont fait vraiment le plus gros travail sur le terrain. Ils étaient deux à m'aider cette année. Olivier Lupé aussi. Deux à m'aider sur le terrain. C'était Thierry Marco, vraiment très très gros travail de Thierry, comme d'habitude, et Mohamed Darwani aussi qui a fait un superbe travail. D'accord. On était quatre sur le terrain en fait cette année, et puis il y avait aussi Eric Marigny qui nous rejoint et qui est un grand montagnard aussi et qui dans les années à venir sera encore plus présent sur le terrain. Voilà. Merci Serge, merci pour ces belles nouvelles du Ventoux. Serge, est-ce qu'il y aura d'autres préparatifs, parce qu'on sait que tu es un amoureux pour préparer des courses, ou tu restes toujours et tu vas améliorer encore plus ce trail qui est un grand rendez-vous, quoi. Je pense qu'on va se mobiliser vraiment sur le trail du Ventoux. On va peut-être pas se disperser comme on l'a fait l'année dernière. On va laisser la place à d'autres, puisque je pense qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent organiser des courses. Alors, qu'ils organisent. Et nous, on va se mobiliser sur le trail du Ventoux pour en faire une épreuve, pour la pérenniser encore. C'était la 15e édition. Allez, on va essayer d'aller jusqu'à la 20e édition et après, on verra. C'est tout le mal que je te souhaite et je te dis encore. Je te félicite, Serge, pour ton travail assidu et surtout cette façon de pouvoir rassembler du monde derrière toi pour t'aider à faire cette fabuleuse course qui est le Trail du Ventoux. Merci encore. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. À bientôt, merci. Didier, peut-être deux petits résultats, parce que tu les as un petit peu énumérés, mais moi j'aimerais savoir ce qui s'est passé. Est-ce qu'il n'y avait que le Trail du Ventoux ou il y avait une autre course? Dans le domaine des courses hors stade, c'est vrai que les foulées des faits libres sont toujours présentes à Châteauneuf-de-Gadagne. Hein. Il y a eu d'ailleurs aussi de beaux vainqueurs, hein, puisque Aziz Edyouba, qui est du CSMA, s'impose... Comment il s'appelle attends, je demandais à Jean-Yves s'il se souvient. Non, c'est l'autre. Ils avaient tous hors d'ossard ou bien? Oui. Même leur chante. Ah ben écoute, d'accord. L'atelier progresse, les gars. Voilà. Alors simplement, moi je vais laisser la place à la chante féminine, puisqu'Amandine Morisset, j'ai vu qu'elle était marquée sur le nom au niveau du club Carpentras, mais Amandine Morisset fait une super course, puisqu'elle fait, je pense... troisième, au niveau du scratch, elle est hyper bien placée et chapeau à cette jeune femme parce qu'elle était avant dans le Gard. Alors Carpentras, faudra que j'aille aux sources de renseignement auprès de Rick Fagot. Voilà, lui qui a un cours après la jette de féminine, alors dès qu'il va en homme féminin, ça y est, il va la chasser. Non, c'est une personne c'est une personne très costaud, je pense qu'il y en a... Si elle était costaud, tu irais pas. Alors moi j'en rajoute une petite couche gentiment. Hein, vous validerez ou pas. Mais c'est vrai que si tu étais avec Saint-Jolin, tu aurais pu récupérer un sac à dos et des piolets pour essayer de récupérer cette dame. Quoi. On ne sait jamais hein, si c'est vraiment une montagne. La prochaine fois, je lui demanderai, puisque j'étais depuis 7h du matin, donc j'avais le temps entre 7h et 17h. Dis-moi, tu n'aurais pas travaillé hier? Il paraît que si. Hein. Merci. Je te remercie de cette réflexion. Non, on plaisante. Merci Didier, merci beaucoup. Merci et maintenant, ça va être Horizon. 2 secondes pour présenter qui c'est qui vient d'arriver à nos côtés. On va le retrouver dans quelques secondes. On parlera bien sûr handball, le club de Pernes-les-Fontaines. C'est Guillaume Daguet-Bresson qui est avec nous. Bonsoir Guillaume. Bonsoir. Voilà, il va falloir parler dans le micro. Hein, bonsoir. Guillaume. Ça va? Tout se passe bien? Très bien. Ce week-end, les matchs se sont dégénérés, je pense, du côté de Perne. Oui, donc 3 victoires à Perne. L'équipe première a gagné contre le SMUC. Avant ce week-end-là, on était relégable. À l'heure actuelle, on ne l'est plus. Donc c'est l'objectif prioritaire du club sur la fin de saison. Voilà, je vous donne rendez-vous dans quelques minutes. Vous allez voir avec lui, on va mettre un petit peu, planter le décor, voir un petit peu les contours et les détours de ce grand club qui est à la fois féminin et masculin. Là, c'est plutôt masculin, c'est plutôt Perne, avec un maire, monsieur Gabert, qui est très assidu sur le sport. Vous allez voir pourquoi. Dans quelques minutes, n'oubliez pas le rendez-vous. C'est dans 10 minutes exactement. Pour le moment, c'est... Horizon, prenez vos stylos, prenez votre agenda, marquez tout ce que va vous délecter comme bonne date et des rendez-vous succulents. Notre amie Marie, ça se termine normalement derrière une assiette bien garnie. Alors, moi je vous propose vendredi 24 et samedi 25 de 9h à 19h et dimanche 26 de 9h à 18h, mars bien sûr. Pour la 15e année Avignon, le Parc des Expos reçoit l'Avignon Motor Festival. Un événement tout entier dédié à la passion des beaux véhicules d'hier et d'aujourd'hui. Fascinant, insolite ou merveilleux, plus de 2600 véhicules d'époque déclinent un siècle de culture mécanique. L'édition 2017 célèbre entre autres les 70 ans de la marque Ferrari avec une exposition exceptionnelle. En Ensuite, samedi 25, si vous préférez courir, eh bien, il y aura la 5e édition du Night Fever de Carpentras. Avec un 3 km qui est plutôt pour les familles entières. Moi, je veux savoir si Jean-Yves mix là. Dans le Nike du Fiverr. Il pourrait y aller, puisqu'il y a un relais de 6 km. 3 km, je pourrais les faire, mais alors, facile. Ou alors, tu as le relais de 2 x 6. Je vais le faire avec Monique, avec qui la carte. Didier, le Nike Fiverr, c'est quoi? Bon, je regarde un peu. Hein, ouais, d'accord. Allez, on continue, Donc, le départ est à 20h, n'oubliez pas, c'est de nuit. Donc, place Maurice Charretier à Carpentras. C'est Eric Fagot qui est dans le coup, hein, sur cette épreuve. Ouais, je crois qu'aussi, c'est notre ami... J'oublie son nom. Excusez-moi, je reviendrai tout à l'heure. Alors, sinon, nous aurons également le dimanche 26 mars, la Nordique Vauclusienne de 13,5 km au château de Ruth à Sainte-Cécile-les-Vignes. Et sinon, si vous préférez, un 8,5 km, ce sera la Botanique. C'est toujours de la marche nordique. Dimanche 26 mars, une course nature à Val-Joannis, à Pertuis, avec un 15 km et un 11,5 km de marche nordique qui vous sont proposés en plein cœur du domaine viticole de Val-Joannis. Ensuite, dimanche, vous aurez également le tour des remparts à Avignon. Avec, voilà une belle épreuve, on y sera bien sûr. Hein. Voilà, avec un 10 km et un 6 km sur route, les coureurs auront le plaisir de s'élancer de la cour Jean Jaurès pour attaquer un beau parcours en intramuros, finissant sur la place mythique de l'horloge. Et enfin, pour finir, vous aurez également le 26 mars les championnats régionaux de marche nordique dans la ville d'Orange. Voilà Marie, c'est tout ce qu'il y avait. Voilà. Il n'y avait pas de côté culinaire. On attendait les rando bistro. Pas cette fois-ci. D'accord, c'est vrai que les truffes, maintenant, c'est un peu fini, non Marie? Oui, là, les truffes, c'est l'année prochaine. Allez. Ce soir dans Focus, on ouvre le grand livre du handball masculin avec ce club de Perne en handball masculin, les fameux sorgues du Comtat pour les filles. Eh bien, nous verrons avec Guillaume Daguet-Bresson ce soir ce qu'il en est un petit peu l'état des lieux. Aujourd'hui, ce club veut grandir, ce club est formateur, ce club veut essayer, pourquoi pas, de gagner en qualité et surtout d'avoir une vitrine qui sont les seniors. À un niveau respectable aujourd'hui, certes, des victoires arrivent, mais ce club veut grandir. Et M. Gabert en a fait presque un club d'excellence avec notre ami Guillaume à côté de nous, qui est salarié du club. Est-ce que je me suis trompé, Guillaume? Non, c'est bien ça. Je suis arrivé au club depuis le mois d'août. Nous avons restructuré le non visible et à partir de la saison prochaine sur le sportif nous investirons bien plus. Alors Guillaume, ma première question, ce club, comment se comportait-il les licenciés? Est-ce qu'aujourd'hui il y avait besoin de cet élan? Parce que je vois que tu as un joli maillot, ça veut dire que tu as joué au handball et tu joues toujours ou tu entraînes. Explique-nous un petit peu tout, fais-nous découvrir ce club de Perne. Alors déjà moi rapidement, j'ai joué au handball, oui. J'ai été pris en centre de formation et je me suis blessé malheureusement. Je me suis reconverti en tant qu'entraîneur et donc salarié. Voilà, c'est la seule chose que je veux dire sur moi. Après, donc, je suis arrivé sur Perne au mois d'août pour le restructurer. L'ambiance est très bonne. Voilà, la structure est très bonne parce qu'on a un super complexe sportif. Une mairie qui nous suit à 200%, donc c'est super intéressant. Voilà, les prochaines, on devrait bénéficier de nouveaux créneaux qui va nous permettre de pouvoir former ces jeunes et faire du bon boulot sur la formation pour pouvoir alimenter notre équipe première. Alors Jean-Yves va revenir un petit peu avec moi sur ce sujet. C'est vrai qu'au niveau de la formation, le handball, c'est un petit peu une valeur ajoutée, c'est même une valeur sûre dans le monde du sport, puisque toutes les personnes comme toi qui prennent un petit peu, qui devient entraîneur fédéral, qui devient un petit peu coach, vous avez bien sûr une ligne de conduite qui est, je veux dire, sur toute la... Comment on appelle ça, surtout les cursus de l'handball sont pratiquement les mêmes parce qu'il y a des réunions, il y a des formations. On dit que le style de jeu français et des clubs est envié dans l'Europe et même dans le monde entier. Alors tout à fait, la fédération française est une fédération qui est très structurée au niveau des formations. On peut former les entraîneurs. Il y a des formations qui sont très accessibles, très, très faciles pour des bénévoles qui veulent s'investir. Et voilà, après, moi j'ai été formé pour pouvoir aider aussi également ces bénévoles. et permettre un travail de qualité des plus jeunes. Alors moi, je suis originaire d'Ille-sur-la-Sorgue. D'accord. Après, j'ai un petit parcours atypique parce que donc, j'étais salarié pour ma première année sur Carillon, après sur Gap. Et puis après, je suis monté en Bourgogne voir autre chose, voir une autre culture. Et en 2 ans, j'ai appris 13 ans de handball en 2 ans. Et voilà, maintenant, je suis venu partager dans ma région ce que j'ai appris en Bourgogne. Alors moi, juste revenir sur le fait que tu le soulignais, Fred, mais la formation au hand, c'est l'exemple sur lequel tous les sports de France et même dans le monde devrait se coller, devrait se copier, parce que voilà des clubs qui forment des mecs depuis maintenant plus de 20 ans. Les premiers, c'était au début des années 90. Contrairement à plein d'autres sports, il n'y a pas de creux dans les générations. Et là, on voit ce week-end des mecs comme Omeyer et Narcisse qui ont annoncé leur retrait de leur carrière internationale. Omeyer, 40 ans passés, Narcisse, pas loin. Et ces mecs-là sont déjà remplacés. Si au rugby, tu as, je te dis, n'importe quel joueur, personne ne me vient à l'esprit, quand Rive s'est arrêté, on a galéré pendant... Pour reprendre un exemple que tout le monde connaît, on a galéré pendant 15 ans pour retrouver un nouveau Rive, et on ne l'a toujours pas retrouvé. Là, Omeyer s'arrête, et on est peinard parce qu'il est déjà remplacé 2 fois. D'ailleurs, la preuve de la formation française au hand, c'est que ce mec-là a été foutu sur le banc au dernier championnat. Donc voilà, c'est ça, ça forme, ça bosse dans les petits clubs. Des mecs comme Guillaume font un boulot monstrueux, et du coup quand la détection se passe extraordinairement bien aussi, parce que on l'a vu avec les filles et on le voit avec les gars, quand un mec est bon, il passe pas à travers les mailles du filet, il est pris en charge, il est pris dans des pôles, dans des centres, etc. Et tant est si bien que ces mecs là il peut pas y avoir de creux. Il ne peut pas y avoir de creux. Il y a une DTN exceptionnelle au handball. On peut dire ce qu'on en veut, mais en tout cas, il y a une vraie, culture. Bravo. Moi, je dis bravo, je suis admiratif. C'est vrai que cette culture, on néglige personne. Il n'y a pas de joueurs stéréotypés comme dans certains sports. Quelqu'un a de la qualité, eh bien, on va essayer de l'exploiter. Elle fait ou elle ne fait pas. Et en tous les cas, on lui laisse toutes ses chances de devenir, je veux dire, bon dans ce sport. Et c'est valable chez les filles aussi, hein, c'est le même système, mais les filles dont on parle un petit peu moins raclent régulièrement des titres et des places d'honneur dans les grands championnats, juste parce que le système tamise aussi bien les filles que les garçons, ça part, et ça arrive dans une... voilà, les... Et quand on voit des mecs comme Guillaume qui nous sollicite pour venir parler du hand, et il a eu bien raison de le faire, parce que ça nous permet de mettre un coup de projecteur sur le boulot qu'ils font, et ça fait partie de la stratégie, parler de nous, parce que regardez, nous on a des bons résultats, on fait le job, donc merci de bien vouloir parler de nous. Moi je dis que tout est parfaitement huilé dans cette fédé. Et puis surtout aujourd'hui, il faut aussi dire les choses, hein. C'est que le handball féminin dans le Vaucluse est assez bien implanté. Aujourd'hui Mazan est un petit peu le leader, hein. C'est le club qui est surveillé. Il y a eu Apt juste avant. On est dans cette mouvance. Et le handball masculin existe. Et c'est une façon de dire que oui, ça y est. Perdre les Sorgues du Comtat, parce que c'est les deux clubs, il faut savoir. Hein. Sorgues du Comtat, c'est les filles, ça se passe du côté de Monteux. Et les garçons, c'est du côté de Perne. Alors dis-moi un petit peu, comment tu as trouvé l'état des lieux de ce club, toi, parce que tu es venu, et dis-nous un petit peu combien de licenciés et les catégories qu'on peut y retrouver à Perne. Alors, donc moi, je suis arrivé au club où, depuis 2 ans, c'était un peu compliqué, parce qu'il y avait une génération moins de 18 France qui a été la plus grande épopée sportive, on va dire, du club. Donc moi, je suis revenu avec lancer un nouvel élan, parce que c'est le nouvel élan du club. On a restructuré, on a refait un nouveau logo, on a rééquipé toutes mes équipes. Alors, on a des équipes dès moins de 10 ans jusqu'au senior, donc moins de 10, moins de 12, moins de 14, moins de 16, moins de 18, sans oublier nos loisirs, qui font vivre le club... avec leur bonne humeur et leur investissement. Je comprends pourquoi tu es devenu salarié, parce que je pense que là, la tâche de travail doit être pas mal, quoi. Là où tu vois que le hand est un sport en bonne santé, nous qui venons du rugby, dans les clubs de rugby, on peine à trouver des gamins pour combler toutes les équipes de jeunes. On peine, on est obligé de se réapproprier des fusions qui vont contre nature, machin. Regarde, eux, ils sont pas inquiétés, ils te le disent. Ça part du moins du gamin qui marche à peine jusqu'au senior et même au loisir. Et ils ont comblé toutes les catégories. Ça veut dire qu'il y a une vraie attirance pour ce sport parce que ça véhicule des belles valeurs, ça véhicule un projet qui est cohérent, ça véhicule presque la possibilité de sortir si t'es bon. Enfin, il n'y a pas de secret, tout simplement. Alors, je rebondis sur ce que dit mon collègue, quoi. Combien de licenciés ? Alors, on est passé à 144 cette année et on en entend 180 l'année prochaine. Quelle est l'optique du président et surtout du maire en te mettant dans ce pôle ? C'est être plus, visible pour le club, pour pouvoir être plus accessible même, je dirais. Alors, être plus accessible, oui, et former nos gamins et savoir les garder. Malheureusement, c'est ce qu'on n'a pas su faire avant et ce qu'on veut faire maintenant. Pourquoi ? Rappelle-nous un petit peu l'histoire, parce qu'on est bien, on a peut-être besoin d'être éclairé. Tout à l'heure, tu as dit les 18 France. Alors oui, donc il y a trois ans, le club évolue en moins 18 championnats de France. Et la structure, l'organisation, le niveau de jeu n'a pas forcément fait qu'on a pu réussir à garder ses enfants. Voilà, donc là, ils sont partis sur un club voisin qui est Cavaillon et qui évolue juste au niveau au-dessus de nous, mais qui a une structure... Bien meilleur que la nôtre actuellement, quoi. La vitrine du club, les seniors aujourd'hui, comment se comportent-ils d'après toi? Il y a encore du travail à faire. Alors donc nous on a un groupe qui est c'est un peu des vieux et de la vieille où il y a de l'expérience, c'est des très bons joueurs, mais on a besoin de renouveler un petit peu avec les jeunes qu'on va ramener dans ce groupe. C'est peut-être une équipe qui est en fin de cycle parce qu'il y a quand même des joueurs qui ont 40 ans. Qui sont des très très bons joueurs, mais voilà, donc on a besoin de ramener de la jeunesse un peu, et pour ça il faut former ces jeunes. Oui, est-ce que toi tu es déjà un œil averti sur les futurs pousses, on va dire, et le travail qui va falloir, le fruit de ton travail va payer dans combien d'années, tu penses? Alors moi donc tout ce qui a été mis en place, je le retouche pas forcément. Non, voilà, ouais, donc j'ai des gamins qui ont 12, 14, 10 ans, il y a du boulot, mais pas avant 3 ans minimum. Mais on aura un club qui va pouvoir évoluer dès dans 2 ans. J'arrive à revenir. Régional. Voilà, Guillaume, on va revenir sur l'axe qui s'est passé à Sorgues. Juste un point que je rebondis sur ce que vient de dire Guillaume, c'est qu'il a déjà une visibilité, lui, sur ce qui va se passer. Oui. Alors que dans un club de rugby, encore une fois, quand tu regardes aujourd'hui les cadets, les juniors, du club que toi et moi on connaît par cœur, t'as zéro visibilité. Tu te demandes quel gamin tu vas pouvoir garder et la question c'est combien je vais être obligé d'aller chercher de mecs à droite à gauche. Lui il le sait déjà. Il le sait, et je reviens un petit peu sur ce que je disais tout à l'heure au niveau du club de Sorgues qui jouait en pré-national, qui n'arrivait pas à monter en pré-national féminine. À un certain moment, cette année, ils ont pris le risque, ils ont demandé à tous les vieux grognards, toutes les joueuses d'expérience de pouvoir quitter parce que c'est l'heure. C'était peut-être pas leur vouloir à eux de quitter cette équipe 1, mais ils ont fait, on appelle ça peau d'œuvre, et tout compte fait, on s'est aperçu qu'ils vont y rester en pré-national, ben ouais, tu fais... parce qu'ils sont bien partis. Voilà. Tu rends pas service aux... Peut-être que tu seras obligé de faire ça aussi, et ça c'est pas évident. Hein. Tu rends pas service aux nouvelles générations de continuer à garder des mecs de 40 ans. Je le sais, j'ai joué jusqu'à 40 ans. Tu rends service à personne. En gardant ces mecs de 40 ans, soi-disant pour pérenniser le club, parce que quand tu gardes ces mecs de 40 ans, et Guillaume l'a parfaitement compris, quand tu gardes ces mecs de 40 ans, tu empêches des gamins de 17 ans de jouer et de s'aguerrir et de devenir des mecs de 40 ans. Donc tu prends le choix qu'a fait Sorgues là, de dire, bon allez, les nanas, les vieilles, merci, vous nous avez beaucoup aidé. Alors, toi, merci. Tu vas doucement, je dirais mais pas. Non, mais grosso modo, c'est ça. Je te le dis avec mes mots, mais grosso modo, c'est ça. Merci pour les services que vous nous avez rendus. Mais par contre, aujourd'hui, la direction qu'on prend, c'est de faire jouer des gamines de 17 ans. Lui va le faire aussi avec des gamines de 17 ans. Et puis ces gamines de 17 ans, au plus tu leur files du temps de jeu, eh ben, ils seront prêts vachement plus vite. C'est pas plus compliqué que ça. Et encore une fois, il y a une cohérence dans leur démarche à Sainte-Balleur. Ah oui, toujours là. Tout à fait. Je suis un petit peu d'accord avec l'analyse de moi. Alors, on nous signale qu'il y a... Oui, parce que... Alors, moi, ça, c'est Monique. Ouais. On ne la présente pas. Vous pouvez la voir sur Facebook. Elle ne rigole surtout pas. Elle est déjà la calculatrice. Et elle calcule les prix de la pub. Allons-y.